l'esprit du grand public, la paléontologie se confond souvent avec les squelettes géants d'imposants dinosaures pourtant éradiqués il y a 65 millions d'années. Mais avant eux, les premiers vertébrés apparaissent dans les océans il y a environ 500-600 millions d'années. Mais avant eux encore, plus on remonte l'échelle du temps, plus il est difficile de trouver des traces fossiles, d'autant plus quand il n'y a pas de squelette à fossiliser. C'est là qu'intervient la micro-paléontologie, la recherche de micro-fossiles, moins spectaculaire mais tout aussi important, si ce n'est plus, qui nous renseigne au microscope non seulement sur les débuts de la vie, mais sur l'histoire de notre planète. Paléontologie, chercher la petite bête, c'est le programme minutieux qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Voilà, pour remonter ce fil microscopique de l'histoire de la vie et du climat planétaire, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Sylvia Gardine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche CNRS à Sorbonne Université et Patrick de Wever. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite au Muséum National d'Histoire Naturelle. Vous travaillez tous les deux. Vous êtes affiliés au Centre de Recherche sur la Paléobiodiversité et les Paléo-Environnements. Patrick de Wever, vous êtes l'auteur de merveilleux microfossiles. C'est édité chez Biotope Éditions et préfacé par Hubert Reeves. Voilà, vous pouvez suivre cette émission comme tous les jours en parallèle de notre conversation via notre fil Twitter en vous abonnant au compte @laméthodefc. Alors je le disais à l'instant et je rectifie tout de suite parce que Sylvia Gardine me le disait, évidemment Patrick de Wever, les dinosaures n'ont pas disparu, il suffit de regarder le pigeon qui nous guette par la fenêtre de la maison de la radio puisque les oiseaux sont évidemment des dinosaures. Je disais disparition il y a 66 millions d'années des dinosaures non-aviens, des dinosaures géants. Bref, quand on pense fossiles, j'ai révisé mal son nom de Dieu. Néanmoins, quand on pense fossiles, on pense souvent à ce grand dinosaure qui est dans le hall du Muséum National d'Histoire Naturelle et à ces grands ossements fossilisés que l'on retrouve. Écoutez cette archive de 1954, elle est extraite de l'Heure de la Culture Française sur la radiodiffusion française. L'étude des fossiles nous permet de connaître l'histoire de la vie sur la Terre. Les fossiles sont des restes d'organismes anciens présents dans les roches. Les organismes qui ont formé les fossiles ou bien existent encore dans la nature actuelle, ou bien ont disparu. On appelle aussi fossiles des traces d'organismes pétrifiés, tels que des pistes, des tubes d'habitation, des excréments. Étymologiquement, l'adjectif latin fossilis s'applique à un objet extrait de la Terre. Un fossile n'est pas obligatoirement transformé en roche, pétrifié, mais la notion de fossile implique à la fois origine organique et ancienneté géologique. Sylvia Gardine, qu'ajouter à cette définition du fossile? Non, c'est tout à fait juste. Donc, je rebondis sur le fait que, on a des organismes, on va dire, qui sont présents dans les roches. Et les microfossiles sont souvent, les composants des roches. Donc, ce n'est pas des fossiles contenus dans la roche, mais ce sont les fossiles qui forment la roche. Donc, ils ont un rôle lithogénétique très, très important. Voilà. On a des roches calcaires ou des roches siliceuses parce que des micro-organismes étaient très, très abondants, très productifs et qui ont laissé cette trace après dans les roches sédimentaires. Et on va revenir sur ce passage de l'organisme vivant à l'organisme mort et puis in fine parfois avec un peu de chance à la roche métamorphique. Mais avant cela, Patrick de Wever, c'est l'un des fondements de la paléontologie qui est plus qu'on remonte le temps, plus le registre fossile s'appauvrit. Est-ce que c'est vrai pour les microfossiles? Oui, c'est vrai pour tout enregistrement en fait. On peut comparer parfaitement ça à la mémoire. On a une mémoire de détails d'hier très très forte et plus on recule dans le temps, plus la mémoire est vague et plus on confond une date avec une autre. Et c'est la difficulté. Et pour les fossiles, c'est la même chose. Je retrouve facilement la trace d'un escargot de l'année passée dans mon jardin. La trace d'il y a 15 ans ou 20 ans, je suis pas sûr de la retrouver. Vous voyez, c'est la même logique. Donc plus c'est lointain, plus ça a subi de phénomènes qui l'ont peut-être fait disparaître, dissolution ou autre. Donc, moins on a de traces. Et bien sûr aussi, plus les organismes ont des restes solides, plus on a des chances de les retrouver. Si bien que vers 500 millions d'années à peu près... Les premiers vertébrés donc? Même un peu avant. On a très très peu d'organismes fossiles. Alors on peut se demander, alors on a parlé d'explosion de la biodiversité à ce moment-là, mais on peut se demander si c'est une explosion de la biodiversité ou si c'est une explosion de connaissances, parce que à peu près à cette époque-là, plein d'organismes très différents se sont mis à avoir un squelette minéral. Donc vous voyez, je parlais de l'escargot de mon jardin de l'année passée, la limace, je n'ai aucune chance d'en retrouver une trace. C'est ça finalement, quand on remonte à cette période-là que vient de décrire Patrick de Wever, on change finalement quasiment de pratique de paléontologie entre retrouver des traces d'ossements fossilisés ou des traces de vertèbres ou en tout cas de fossiles minéralisés à cette absence de traces. Il faut chercher différemment, c'est toute une autre pratique de la profession, Sylvia Gardine. C'est tout à fait une autre pratique. Hein. On cherche, on a de moins en moins de témoignages d'organismes. On cherche, par contre, des traces que certains organismes ont pu laisser. Ça peut être des lipides, des marqueurs, laissés laissés par des organismes sans que l'organisme lui-même y soit fossilisé. Donc c'est des traces d'organismes plutôt que l'organisme lui-même. Donc là c'est tout un autre pan de recherche bien pointu. Voilà. Vous pouvez peut-être nous expliquer en deux mots justement comment ça se passe et quelles sont les traces que vous cherchez entre ces micro-organismes qui vont se déposer. Ils laissent tout de même des traces. On pourrait imaginer que finalement ils se dissolvent complètement, que les molécules du vivant se retournent à la nature, mais en fait il reste malgré tout quand même des traces qui permettent d'exercer justement ce regard de micro-paléontologie. Alors les microfossiles, c'est surtout leur squelette qu'on retrouve, hein, plus que des traces, parce que vous imaginez aujourd'hui un petit organisme d'un millimètre qui broute une feuille, on a peu de chance de retrouver la trace. Par contre, les micro-organismes, eux, ça a été dit tout à l'heure par Sylvia, la plupart des roches parient, c'est fait avec un cimetière. C'est-à-dire que tous les calcaires sont faits par la vie. S'il n'y avait pas la vie, il n'y aurait pas de calcaire. Paris est fait avec du calcaire, et même vous promenez sur les quais de la Seine, vous regardez, vous prenez une petite loupe, une loupe un peu meilleure que pour regarder les timbres. Un peu forte. Voilà, un peu plus forte, et vous voyez que c'est bourré de micro-organismes. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a commencé à s'intéresser aux micro-organismes. Alors, 17e, c'est un peu exagéré, mais 18e et surtout 19e. On va revenir sur l'histoire de l'émergence de cette pratique de la science. Peut-être un mot, outre le fait que nous sommes ravis de savoir que nous vivons sur une nécropole, littéralement. Je préfère l'appeler une soupe. Voilà, c'est plus ludique. Nécropole, oui, c'est vrai, mais bon. Patrick de Wever parle de, malgré tout, de squelette, c'est important, de squelette de ces micro-organismes. Voilà, c'est la partie minéralisée que certains organismes ont produit au cours de leur vie. Ça peut être des parties calcaires, siliceuses, organiques. Il faut dire que quand on parle des microfossiles, il faut bien distinguer, hein, comme Patrick l'avait un peu énoncé. Donc on a des restes d'organismes qui étaient à l'origine déjà microscopiques, c'est ce dont on parle actuellement, mais ça peut être des micro-restes même d'organismes beaucoup plus grands, mais qui sont très petits. Un pollen, par exemple, mais même les dents d'un petit rongeur, c'est quelque chose qui nécessite toujours un microscope pour être analysé, mais dont l'organisme d'origine était macroscopique. Donc il y a bien une différence, hein, mais la micropaléontologie regroupe tout ce genre d'individus. Oui, des traces, oui. La méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h10, nous parlons donc de cette paléontologie du microscopique, de cette micro-paléontologie, ces traces très anciennes du vivant que viennent de décrire Sylvia Gardine et Patrick de Wever. Justement, alors Patrick de Wever, reprenons un peu le fil chronologique de cette discipline. Quand apparaît la micro-paléontologie, vous disiez, dès le XVIIe siècle, on commence à s'intéresser à ces micro-traces du vivant. Oui, mais on n'arrivait pas bien à les voir. Donc on faisait des assimilations parfois avec des choses macroscopiques. Et en fait, ça a surtout explosé au 19e siècle, pour une raison très simple, c'est qu'au 19e siècle, est apparu, non pas apparu ex nihilo, mais On a commencé à avoir beaucoup de microscopes accessibles, disons pour les gens quand même un petit peu fortunés, mais enfin ça a commencé à apparaître, si bien que ben ils ont commencé à regarder, mais comme vous offrez un microscope à un enfant, il va regarder son doigt, il va regarder une poussière, etc. Et on a commencé à découvrir, mais au sens vrai du terme, on a découvert, ce fut une explosion, et une telle explosion que ben on regardait et puis on faisait aussi des choses, si bien que certains artistes, parce que je crois qu'il faut les appeler comme tels, se sont amusés à faire des micro-tableaux. Un tableau complet qui fait 0,5 mm. Et par exemple, un tableau qui est fait avec des écailles d'ailes de papillon. Vous voyez, une écaille d'aile de papillon, vous voyez la taille que c'est ? Moi non, c'est trop petit. Mais non plus. Et avec ça, ma vue plus assez bonne. Et avec ça, ils ont dessiné une petite fontaine et ils ont dessiné des oiseaux qui sont dessus, qui sont autour, etc. Donc, c'est pour ça que c'était un engouement. C'était tout nouveau et c'était un réel engouement. Et on a donc l'un des pères de la micropaléontologie, c'est Ehrenberg. Mais en France, il y a eu d'Orbigny, en fait, qui était sur ces plages de Charente. Et puis, il avait vu qu'il y avait effectivement des grains de sable un peu bizarres qui ressemblaient à des fossiles que l'on trouvait pas loin, qu'on appelle des ammonites. Donc, il avait appelé ça des petites ammonites aussi. Oui, tout à fait, je confirme, bien évidemment. Et d'Orbigny, on le considère ici en France, justement, le père de la micropaléontologie. La discipline, vraiment, micropaléontologie, même si, voilà, Ehrenberg, donc un Allemand, un Français et même un Italien, donc on est à l'Europe avant le temps, ils ont été les grands pionniers, je rends hommage à ces messieurs, hein, pour les découvertes qu'ils ont faites. La micropaléontologie, elle est née tout de suite dans l'après-guerre, donc années 50, comme discipline, vraiment micropaléontologie. Et comme il a dit justement Patrick, elle a eu un essor très très important dans les années 60-70 et il y a des raisons bien précises. Donc celle de l'évolution technique. On a besoin d'un microscope, donc on a besoin de microscopes de plus en plus performants. Les premiers microscopes électroniques datent des années, des fins des années 50, années 60. Donc c'était des grosses machines hein, à l'époque. Mais il y a une autre raison très très importante. C'est le début des campagnes océanographiques et l'exploration des fonds océaniques et des sédiments marins. C'est là qu'on s'est rendu compte que ces sédiments sont composés presque entièrement de ces microfossiles. Donc, et on s'est lancé à leurs études. Je rajouterai aussi l'exploration pétrolière, qui est quand même très importante et à laquelle les microfossiles ont beaucoup donné. On était très économiquement rentable. Oui, exactement. Donc, voilà les trois raisons principales de l'essor de la micropaléontologie à cette époque-là. À partir de quel moment, Patrick de Wever, on se rend-on compte que certaines roches sont en fait des fossiles organiques et non pas des minéraux issus géologiques, disons? Vous donnez un top départ, je suis incapable de le faire. je vous demande pas un top départ à l'année, au jour près, mais tout cas, grosso modo. Non, mais c'est ce qu'a dit Sylvia. 19e, grande campagne océanographique, on découvre le monde marin. Donc on découvre le monde de microfossiles, mais surtout la grosse explosion après, c'est aussi avec la deuxième série de campagnes océanographiques, et cette fois on faisait des forages, et ça a réellement explosé, je crois que tu as utilisé le mot explosé, parce que c'est ça, oui, parce que c'est vraiment... souvent, quand vous faites de la science, on vous dit à quoi ça sert. Eh bien là, ça servait à quelque chose, ça servait à dater les cailloux, et ça permettait de trouver du pétrole. Alors là, ça vaut qu'on s'y intéresse. Et les pétroliers ont commencé à recruter plein de micropales, parce que c'est... nous, on appelle ça des micropales, oui, micropaléontologues. Se sont mis à recruter plein de spécialistes, parce que ben, quand on fait un forage, ça coûte très cher. Et il faut que très vite, on puisse lui dire, on est dans tel niveau ou on n'est pas dans tel niveau. C'est d'ailleurs ce qui se passe quand sur les bateaux de forage, quand c'est pas très profond au sens de marin. Donc quand le fond n'est pas très loin, si c'est 200-300 mètres, on a une carotte qui remonte, que ça peut remonter tous les 20 minutes. Et tous les 20 minutes, on vous dit quel âge. Sauf qu'entre temps, il faut prendre la boue, il faut la laver, il faut regarder au microscope, et il faut vite essayer d'identifier, et puis il faut vite essayer de l'âge, et puis si vous dites, je sais pas, je me demande si c'est pas quelque chose, mais ils s'en fichent, parce que vous allez sur le tableau après prendre un café, et vous voyez qu'ils ont indiqué tel organisme de Patrick dit tel âge. Il dit, mais j'ai pas dit ça. Non, mais tu comprends, il faut qu'on avance. Tu vois, c'est devenu un enjeu économique très fort, et c'est ça qui a fait que ça a explosé. Oui. Sylvie Gardine. Oui, tout à fait. En fait, une des raisons pour lesquelles les microfossiles sont très utilisés, qui sont vraiment très très performants, c'est la datation relative, bien évidemment, des sédiments. Et justement, quand on part sur les campagnes océanographiques, j'en ai fait une, jamais on part sans au moins deux micropaléontologistes à bord. Parce que sont eux qui vont vous donner l'âge des sédiments que vous allez carotter. Donc, les premiers qui sont à n'importe quelle heure, hein, du jour de la nuit, voilà, quand la carotte remonte, on leur donne tout de suite un morceau de sédiment, bah, c'est les micropaléontologistes qui filent dans le laboratoire, qui préparent, regardent, ah, bah, ça c'est, du Crétacé supérieur, ça c'est plutôt, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on cale dans le temps les sédiments. Alors, aujourd'hui, concrètement, en quoi ça consiste ? Comment on cherche ? C'est exclusivement dans du carottage océanique ? On cherche aujourd'hui encore ? Ou est-ce qu'on a finalement relativement bien cartographié les roches émergées ? Comment ça se passe ? Comment est-ce qu'on cherche ces microfossiles, Patrick de Wever ? D'abord, on cherche avec... Et le plus fréquent, ce n'est pas les carottages océaniques, parce que ça vaut une fortune. La manière de prélever la plus fréquente, c'est un marteau. Ça ne coûte pas très cher, mais ça peut rapporter beaucoup de cailloux. Et donc, c'est des cailloux. Et après... Mais avec un caillou, on a peut-être des microfossiles, mais on ne sait pas les observer. Donc, toute la difficulté est là, c'est une grande difficulté, ça prend un temps fou. Il faut extraire les microfossiles du caillou. Alors, c'est difficile parce que généralement, le microfossile est de même nature chimique que la matrice du caillou. Donc, il faut utiliser des produits chimiques qui attaquent l'un mais pas l'autre. Enfin, généralement, qui attaquent la matrice et pas le fossile. Et ça peut prendre un temps fou. Et puis après... Mais après, vous avez votre caillou qui est réduit, par exemple, vous avez des grains, de la poussière. Mais ensuite, il faut trier ça, grain à grain. Je vous assure, c'est presque un sacerdoce. Hein. Parce que vous regardez, c'est comme si on vous met devant un tas de sable et on vous dit, ben, dedans, il y a 10 grains verts à trouver. C'est même pas vert, avec une forme un petit peu différente. Et tous les grains sont ronds, il faut trouver 10 grains carrés. Et vous avez le tas de sable que vous passez sous le microscope, grain à grain, et il faut chercher le grain carré. Et vous voyez, et ça, vraiment, généralement, quand on parle de la science, on ne parle pas des méthodes d'y arriver. Pour les télescopes, si on dit, vous comprenez, il faut des machines énormes, et puis ça, et puis il faut aller là-bas, et puis etc., etc. Donc les gens disent, waouh ! Mais quand vous avez des grains que vous devez passer des jours et des jours à trier sous le microscope, c'est pas facile. C'est un travail très minutieux. Il faut la patience et de la passion, bien évidemment. Et donc, tout à fait, je rejoins Patrick. Donc, une fois qu'on est allé, où est-ce qu'on le cherche? Pas seulement dans les fonds océaniques. Vous avez des restes d'océans disparus, qui sont aujourd'hui, des sédiments sur les continents. Et justement, tout ce qui nous reste de ces anciens océans aux mers, c'est justement ces sédiments avec ces microfossiles qu'il faut essayer de faire parler pour qu'ils nous racontent un petit peu. Et donc, voilà. Alors, pour ma part, j'ai plus de chance parce que je regarde des microfossiles carbonatés. Donc, je prends, comme dit, avec un marteau. Alors, je peux regarder d'abord un microscope électronique pour avoir une idée de l'agencement de ces fossiles. Et après, il faut les désagréger pour les regarder. Vous pouvez les analyser dans l'ensemble, donc dans leurs assemblages, ou alors à une autre échelle d'analyse, à l'échelle de l'individu, et même à une échelle encore plus poussée pour ce qui concerne l'orthée, la minéralisation, leur squelette. Ça prend du temps, oui, toujours avec un microscope, mais bien évidemment. Mais ça peut se prélever ici, sur les bords de Seine, hein. Ça commence là. Hein. Le travail peut commencer là. Oh, justement, la localisation des prélèvements, c'est en fonction de l'histoire partout. Géologique. Tout à fait. Partout. Oui. Autre question ? Partout. Oui, bon, moi je vais chercher, oui, bien sûr, personnellement, étant spécialiste d'un groupe d'organismes marins, je vais chercher là où je sais que les roches carbonatées sont d'origine marine. Je vais pas m'amuser à chercher des roches d'origine continentale. Il y a d'autres microfossiles, mais pas celles qui m'intéressent à moi. Donc, la craie du bassin de Paris, comme l'a dit Patrick tout à l'heure, c'est une vraie soupe aux nécropoles, comme vous voulez. Mais on la connaît par cœur, cette craie du bassin de Paris. Oui, il y a encore des choses à nous révéler en en termes de, de stratigraphie, de diversité biologique. Je pense qu'il y a toujours. Vous raisonnez comme s'il n'y avait plus rien à découvrir. Ah, vous savez. Il y a toujours. Oui. Même la même chose que vous avez découvert, vous pouvez la regarder avec des yeux différents et vous allez découvrir encore autre chose. Donc ce n'est pas l'objet en lui-même, c'est comment on le regarde. Et ça, ça peut changer dans le temps aussi, parce que voilà, on les pense différemment. Ça aussi, c'est une découverte. Donc je pense que la craie réserve encore pas nouvelle mal de choses. Nouvelle technologie, nouveaux moyens d'observation, nouvelle découverte. Sylvia travaille sur les nanofossiles. Un nano, en français, c'est micro-microfossile. Sans microscope électronique ou sans des gros microscopes optiques, on ne les connaissait pas, parce qu'on n'arrivait pas à les voir. Alors justement, bien dans les derniers moyens de recherche et d'observation, nous sommes allés bien voir comment ça se passe sous le microscope. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendu à l'Institut de minéralogie, de physique, des matériaux et de cosmochimie au Muséum national d'histoire naturelle pour voir où l'on traque les indices justement d'activité biologique au sein des roches sédimentaires. Oui, parce que si on a du mal à dater l'apparition des premières formes de vie sur Terre, c'est entre autres en raison de la dégradation des micro-organismes lorsqu'ils se fossilisent. Je suis allée voir Sylvain Bernard, géochimiste au CNRS, qui étudie les biosignatures, c'est-à-dire les traces de vie, dans une des plus vieilles roches du monde située en Australie de l'Ouest. Dans son laboratoire, il fabrique des roches artificielles, il place des bactéries dedans et lance des simulations pour comprendre les processus de dégradation et ainsi éclairer sur les conditions d'apparition de la vie. En 2016, on a regardé des roches qui viennent du Canada, ont presque 2 milliards d'années, c'est les tchertres de Gunflint. Et on a essayé de regarder comment la matière organique de ces fossiles avait changé en fonction de la température. Et là, on s'est rendu compte que malgré 2 milliards d'années d'histoire géologique, on avait préservé des molécules organiques qui n'étaient pas des protéines, mais qui étaient des résidus de protéines, disons des molécules issues de la dégradation de protéines, qui étaient toujours dans ces roches associées à ces fossiles. Ça nous a permis de montrer qu'on pouvait préserver un signal chimique, même dans des roches anciennes, 2 milliards d'années, qui avait subi une histoire géologique compliquée. Et donc à partir de là, on s'est intéressé à des roches encore plus anciennes. Et donc on a regardé des roches qui viennent d'Australie, la formation de Strelepool. Et cette formation, elle a 3 milliards et demi d'années. Et donc là, on est dans des roches qui sont vraiment très vieilles, qui sont parmi les plus vieilles qu'on a à la surface de la Terre. Et il y a des objets qui ont été décrits, il y a des petites structures qui avaient été décrites dans ces objets et qui avaient été identifiées comme des objets biologiques, c'est-à-dire des microfossiles. Et donc nous, on a regardé la chimie à toute petite échelle de la matière organique qui compose ces microfossiles. Et on a pu montrer que c'était très compatible avec des micro-organismes, donc de la vie, qui avaient subi cette histoire géologique, qui s'était dégradée. On n'a pas un signal frais, c'est vraiment un signal de molécules organiques issues du vivant et dégradées par l'histoire géologique. Mais ça nous a permis de conclure, de façon non ambiguë, sur la biogénicité, c'est-à-dire l'origine biologique de ces microfossiles. Et donc on a maintenant des microfossiles qui datent de 3 milliards et demi d'années, et qui sont identifiés comme tels de façon non ambiguë. On est dans le laboratoire que j'ai appelé le laboratoire de fossilisation expérimentale. L'idée, c'est qu'on cherche d'où vient le vivant, quand il a commencé à exister sur Terre, sous quelle forme, et tout ça, on n'en sait rien encore. Il y a les biologistes qui nous donnent des horloges moléculaires, comme on appelle ça, et qui nous font remonter la vie jusqu'à il y a 4 milliards d'années. Mais l'enregistrement géologique, il n'est pas si clair. Quand on va regarder des roches très anciennes, on a du mal à reconnaître des formes de vie dedans, parce que c'est des roches qui ont vécu une histoire très compliquée, avec des cycles d'enfouissement en profondeur, avec de la température, de la pression. Et donc toutes les petites bactéries, toutes les formes de vie très simples qui existaient peut-être il y a 3 milliards et demi, 4 milliards d'années, qui se retrouvent piégées dans ces roches, bah elles ont changé, elles ont été altérées, elles ont été dégradées. Et donc on a du mal à savoir ce qu'on regarde, et en fait on ne sait même pas trop ce qu'on cherche. Donc c'est ça que vous étudiez, c'est les processus de dégradation de ces formes primitives de vie? Voilà, alors nous, notre positionnement, ça a été de se dire, si on ne sait pas trop quoi chercher, il faut d'abord comprendre ce qu'on doit chercher. Et donc là, on a monté un labo ici, au muséum, qui vise à simuler ces processus de fossilisation et ces processus de dégradation. Et donc on simule une histoire géologique, on prend des bactéries modernes, on met dans des fausses roches, en fait on fabrique des fausses roches, et puis on simule les processus. L'idée étant que ces processus dans la nature ont lieu sur des millions, des centaines de millions d'années, et qu'en laboratoire, évidemment, on n'a pas le temps. Alors comment vous avez mis en place vos expériences ici? Alors qu'est-ce qu'on a? On a des étuves, toutes bêtes en fait. C'est des fours. L'idée, c'est qu'on met nos échantillons dans des petits réacteurs, comme cela. Donc ça, c'est des petits cylindres, des petites cuves. Ça, c'est du titane. parce que c'est complètement inerte, ça réagit pas du tout, donc on peut faire des manips directement dedans. Donc là-dedans, on met des micro-organismes, des bactéries par exemple. On fabrique en fait une roche artificielle, comme ce qui se passe dans le milieu naturel quand une bactérie, un micro-organisme va se retrouver fossilisé. Et c'est cette roche artificielle qu'on va soumettre à une histoire géologique au laboratoire. Qui est une histoire géologique en accéléré, évidemment, hein, parce qu'à nouveau, on peut pas faire des manips sur plusieurs millions d'années. Sur combien de temps ? Quelques jours, quelques semaines, quelques mois. De toute façon, on reproduira pas exactement ce qui s'est passé dans le milieu naturel. L'idée, c'est qu'on veut comprendre les grandes tendances, on veut comprendre quels paramètres sont les plus importants. Donc on a des petites enceintes comme ça, on a des plus grosses enceintes, et donc on travaille dans des petites capsules en or, qu'on fabrique nous-mêmes à partir de tubes, et qu'on soude. Là, il y a un petit poste à souder de bijoutier. Donc on fait ça sous binôme, on soude nos capsules, on met nos échantillons dedans, on les soude de l'autre côté, et là on a des petits réacteurs qui peuvent rester fermés. On travaille aussi en système ouvert pour essayer de simuler ce qui se passe dans la nature quand on a un fluide qui circule, par exemple. Et donc on a tout un système ici où, donc là c'est une autoclave qui est en titane aussi, donc on peut travailler directement dedans. Puis on a des systèmes où on peut faire sortir du gaz, faire sortir du fluide, et donc simuler là une histoire géologique encore plus compliquée que dans nos enceintes fermées. Alors l'idée, c'est que ce labo là, donc jusqu'à présent on s'en est servi surtout pour essayer de retrouver des traces de vie dans les roches anciennes sur Terre. Mais en fait là on est dans un contexte où on va chercher des traces de vie sur Mars aussi. C'est une planète qui ressemblait beaucoup à la Terre au début. La vie a pu apparaître, ou en tout cas il n'y a pas de raison que la vie ne soit pas apparue sur Mars au même moment que sur la Terre, c'est-à-dire il y a 3 milliards et demi, 4 milliards d'années. Et depuis, sur Terre, autant toutes nos vieilles roches, on les a plus vraiment parce qu'il y a de la tectonique des plaques, c'est recyclé en profondeur, c'est dégradé. Sur Mars, c'est pas du tout le cas, il n'y a pas de tectonique des plaques. Et donc la moitié de la surface de Mars, c'est des roches très très anciennes. Et donc on peut aller chercher des traces de vie dans ces roches très anciennes, c'est le but des prochaines missions spatiales. Le problème, c'est qu'à nouveau, on ne sait pas trop ce qu'on cherche. Parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé pour ces restes de vivants, s'ils existent, au cours des 3 milliards et demi, 4 milliards d'années de l'histoire de ces roches à la surface de Mars. Et donc dans ce laboratoire, on commence à faire des manips aussi pour essayer de comprendre ce qui s'est passé ou ce qui a pu se passer pour des micro-organismes pendant 3 milliards et demi, 4 milliards d'années à la surface de Mars. Là, la NASA, l'ESA, enfin toutes les agences spatiales européennes et américaines envoient des rovers. Et en 2020, il y a deux rovers qui vont décoller pour aller chercher des biosignatures, c'est-à-dire des traces de vie sur Mars. Voilà, la recherche non plus seulement sur les microfossiles, mais sur ces biosignatures au fur et à mesure que l'on recule dans l'échelle du temps et dans l'histoire de notre planète. Une réaction l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Sylvia Gardine ? Bon, j'aime bien j'ai bien aimé l'effet d'entendre. On ne sait pas trop ce qu'on cherche, parce que c'est tout à fait ça. En fait, les gens ils pensent que quand on cherche, on sait exactement ce qu'on cherche, quel est le but. Pas du tout. Je pense que justement, il faut garder l'esprit bien ouvert. Quelquefois, on part dans une direction et il y a une autre porte qui s'ouvre. Et donc, j'ai bien aimé qu'il l'a répété plusieurs fois, qu'il l'a dit et insisté. C'est tout à fait un petit peu comme ça aussi ma façon de chercher. Voilà. Patrick de Wever. Ce qui m'intéresse, dans l'origine de la vie, aller chercher la vie sur Mars, avec ça on va avoir la solution. Bon, c'est personnel, hein. Ça m'agace toujours un petit peu. Parce Pareil. Que si ça vient de Mars, et alors ouais, on sait d'où ça vient, mais on ne sait pas comment ça vient. Et c'est ça qui... Alors que sur Terre, il y a plein d'éléments, parce qu'on a des molécules dans les météorites, oui, mais il y en a aussi dans les fonds océaniques. Pas le fond tranquille. Il est récent, le fond océanique. C'est bien le problème qu'on entendait dans le reportage. On sait qu'à cause de la tectonique, on a du mal à trouver des roches très très anciennes sur Terre qui remontent à 3 milliards. Mais on trouve des molécules organiques au niveau des dorsales océaniques, là où il y a un volcanisme terrible, là où c'est bourré d'uranium, bourré de chrome, de cobalt, etc. Un organisme vivant vit pas là. Néanmoins, on trouve aujourd'hui des organismes là-dedans, et même des organismes très primitifs, et plein de molécules, encore plus profondément, mais jusqu'à plusieurs kilomètres, on trouve des molécules qui composent ce qu'on appelle les briques du vivant. Donc, des acides aminés. Donc, petits acides aminés. Hein. Oui, pourquoi pas aller chercher là, plutôt que d'aller chercher sur Mars. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, quand il dit qu'il y a on trouve des traces, on ne sait pas bien ce que c'est, hein, les premiers fossiles, oui. Ce sont des formes. Mais des formes qui peuvent être des fossiles, oui, mais qui peuvent être aussi des choses artificielles, une petite bulle. C'est ce que vous montriez dans votre livre, hein, là, une page. Oui. Il faudrait, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que vous pouvez nous le décrire, puisqu'on n'a pas l'image à la radio? Il y a quatre photos sur alors, un texte, loin, page 61. Alors, de loin, en haut à gauche, vous voyez, pour nous... Prenez votre cahier chez vous. Ça ressemble à une espèce de... C'est très simple, la description est très simple. C'est une tache d'encre. Regardez, c'est une tache d'encre. Là, ça oui. fait une ça tache au milieu, tache avec des petits splatchs sur le côté. Bon, alors ça... C'est peut-être une forme fossile, c'est supposé. Mais pour qu'on puisse le dire, pour que les personnes qui m'ont donné ces photos puissent le dire, c'est que, parce qu'ils savent bien que la forme seule ne suffit pas. Mais donc, ils analysent la paroi. Et dans la paroi, ils essaient de repérer s'il n'y a pas des, non pas des preuves, mais au moins des indices et plusieurs indices qui semblent dire, ah, effectivement, c'est plutôt du vivant que du non-vivant. Vous voyez l'important? C'est là non. où, et toute les recherches sur les, origines de la vie, c'est basé là-dessus. Sylvie Gardin. Oui, bon, alors, moi, je veux dire, je ne suis pas contre l'effet d'aller sur Mars, aussi, sur Mars, à chercher des preuves, voilà, de la vie, pourquoi pas. Après, ouais, c'est vrai, c'est tout un champ de recherche, celui des origines de la vie, hein, qui est assez éloigné de ce que je fais, même si ça m'intéresse et tout. Donc, voilà, comme disait Patrick, et comme j'ai entendu très récemment par un collègue qui nous montrait des traces de vie fossilisées, voilà, il nous montrait une petite bulle et disait, voilà, ça, c'est très probablement la trace fossile d'une cellule, hein, donc je lui demande dit oui, une cellule de quoi? Eh ben justement, on ne sait pas. Donc, effectivement, voilà, il n'y a pas que l'aspect, la forme. Il faut aussi, voilà, qu'il y a d'autres preuves qui puissent nous permettre de dire, bon, c'est plausible. Voilà, on peut pas avoir la preuve directe. Donc, c'est plausible ou c'est pas plausible. Donc, on est vraiment, voilà, dans un équilibre. Précaire. Précaire, exactement. Patrick De Wever. Oui, deux points. Aller chercher la vie sur Mars, c'est pas un argument, etc. Et ça m'agace pas depuis aujourd'hui, depuis longtemps. Et il y a quelques années, on était en déplacement pour faire des conférences et avec André Braque. On était notamment en Algérie, il fallait attendre. Donc on a discuté. Et à un moment, je lui ai dit, mais pourquoi aller chercher la vie sur Mars ou ailleurs? Parce que, c'est ce que il était dit tout à l'heure, botter en touche, c'est une phase de jeu au rugby, mais pas en science. Et donc, si on trouve là que la vie vient de Mars, et alors? Et je lui ai dit, mais ça fera pas avancer le tirelipote. Et il m'a dit, mais justement, ce que l'on espère trouver quand on va chercher la vie sur Mars ou sur d'autres planètes, c'est trouver un autre type de vie. Ah bah comme bon. Ça va nous donner des contraintes supplémentaires pour mieux comprendre l'origine de la vie. Parce que, il y a aussi que nous ne sommes que des humains, on n'est pas des purs esprits. En tout cas pas moi. Et, on est dans une ambiance psychologique, sociale, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Et on a évoqué tout à l'heure les forages océaniques. À ce moment-là, on a découvert plein de choses au fond de l'océan. Donc le moins de petits trucs qu'on trouvait, c'était nouveau. Et on découvrait des microfossiles. On en découvrait. Et puis on a décrit des machins, même on ne savait pas bien ce que c'était. Donc dans ces cas-là, en science, on appelle ça un certain C10, hein, d'attribution incertaine. Et puis ça a été décrit. Puis après, on a dit, ah ben ça doit être des foraminifères. Bref, on a osé avancer dans la détermination. Jusqu'au jour où on s'est aperçu que c'était des artefacts de préparation. C'est parce que quand on fait un peu la lessive pour essayer d'enlever les argiles, on utilisait les lessives au phosphate, hein, maintenant c'est interdit, mais on utilisait du pyrophosphate, et quand on le faisait bouillir, c'était des petites bulles comme ça qui sortaient, et c'est quand ces petites bulles sortaient, elles déposaient un micro-reste. Et donc forcément, comme c'était le même processus qui se répétait, ben, d'une expérience d'une journée ou d'un mois à l'autre, on retrouvait à peu près les mêmes formes et ça a été décrit. Ce que je veux dire par là, c'est que, vous voyez, quand on est pris dans un... On découvre plein de choses, on voit quelque chose de nouveau, on ne se pose pas la question, c'est vivant ou pas. On se dit, c'est nouveau. Hein, le scientifique n'est pas qu'un pur esprit, il vit dans un contexte, dans une société, dans une culture. Et ça, c'est important, il ne faut surtout pas l'oublier. Yeah. Wild Chalk, les falaises de craie du Dorset, chantées par P.G. Harvey sur France Culture à 16h et bientôt 40 minutes. Puisque ouh, Ah, Sylvia Gardine, ça m'évoque. Ça m'évoque évoque ces paysages. Oui. C'est les mêmes que celles d'Étretat. Hein. C'est, oui, le, oui. C'est le même, tout à fait, c'est absolument. Le même tissu géologique. Ouais. Puisque nous parlons non pas des falaises de craie uniquement, mais nous parlons des micro-fossiles et des roches sédimentaires qui sont composées de ces micro-fossiles. Nous en parlons donc avec Sylvia Gardine, qui est directrice de recherche CNRS à Sorbonne Université, et Patrick de Wever, qui est professeur émérite au Muséum National d'Histoire Naturelle et tous deux affiliés au Centre de Recherche sur la Paléobiodiversité et les Paléo-Environnements. On l'a dit, peut-être que c'est... On l'a vaguement évoqué, mais peut-être serait-il bon de faire un peu un tour, parce qu'il y a une très très grande diversité de ces micro-fossiles. Ils peuvent être d'origine animale, végétale, ils peuvent être pélagiques, benthiques. Vous pouvez... on va mettre des photos sur le fil Twitter de l'émission At la méthode FC. C'est vraiment toute une sorte de voilà de comment dire, j'en oui, perds mes mots, oui, je ne sais pas. Non, c'est mais c'est exactement l'imagination débridée. Voilà, il y a vraiment plein de formes. Enfin, c'est très très vaste. C'est une sorte de bestiaire. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est une sorte de bestiaire microscopique, très très très vaste et très diversifiée. Ouais. C'est magnifique. En fait, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu les étudier. Hein, je vous cache pas. Voilà. Mais donc vous avez, oui, comme vous avez dit, des organismes qui sont planctoniques, c'est-à-dire qui vivent dans la surface des eaux océaniques, des mers, des organismes qui habitent plutôt les fonds des océans ou des mers, qui peuvent être enfouédés, qui peuvent être voilà, en suspension, etc. Vous avez sur les continents, etc. Vous avez la composition de leur squelette. Je ne sais pas si on peut utiliser ces mots, mais quand même de leur biominéralisation, ce qui nous intéresse, parce que c'est ça qui reste fossilisé. Et là aussi, vous avez toute une panoplie des compositions, et même, par exemple, dans ce qui est une biominéralisation en calcaire, c'est différents types de calcaire. Après, vous avez des architectures complètement différentes, des très à l'apparence très simples, et d'autres qui sont, comme vous pouvez les voir, c'est des merveilles d'un point de vue vraiment architectural, on peut dire comme ça. Donc oui, une grande diversité, pas seulement donc d'abondance, mais des diversités, des formes, des compositions, des modes de vie, etc. Patrick de Wever. Oui, il y a de tout, partout, de toutes les formes. Oui, mais c'est. J'aurais pu faire très souvent, très beau. On vient de mettre une photo sur le fil Twitter et c'est effectivement très joli. Si bien que c'est frustrant. Ça rend malheureux. Il faut pas. Non. Mais si, parce pas que moi. Je sais pas si pas moi. Comme beaucoup, quand vous un bon repas ou une bonne bouteille de vin, on le prend pas seul. Il faut le partager. Oui. Sauf qu'un microfossile, vous pouvez pas le partager, parce que même si c'est sous le microscope, c'est tu regardes, je regarde, tu regardes, on regarde jamais ensemble. Et moi, pour moi, c'était une frustration tout au long de ma vie. Et si bien que je m'étais dit, quand je serai grand, je ferai un livre là-dessus. Et c'est pour ça que j'ai sorti ce livre. C'est pour compenser. Merveilleux microfossile aux éditions Biotop. C'est pour compenser cette frustration, pour montrer combien c'est tout petit, c'est invisible, mais c'est magnifique. Et alors, bien sûr, souvent sort la question, mais pourquoi c'est aussi beau? J'attends la réponse. Mais peut-être pour vivre, tout simplement. En plus, voilà, le poète en vous s'exprime à tous les étages. Sylvia Gardine. Alors, j'ai la chance de le partager quelquefois avec les étudiants ou quand même les gens qui viennent voir un petit peu les métiers que je fais. Et c'est vrai, hein, quand on le partage, c'est beaucoup mieux. Surtout quand on arrive à communiquer les mêmes enthousiasmes que nous avons, que moi j'ai depuis plusieurs années. Non, mais c'est la vérité. Enfin, je m'enthousiasme à chaque fois. Je vois peut-être les mêmes choses, mais comme on les voit toujours avec des yeux différents. Donc, effectivement, moi, je me suis payé les luxes de les étudier parce que je les ai trouvés beaux. Je ne sais pas si aujourd'hui, quand je dis ça, les gens, ils me regardent mal. Aujourd'hui, c'est mal vu. Hein. On renvoie les gens au fil Twitter de la méthode scientifique, la méthode FC. On vient de poster, Noémie Naguet vient de poster une photo de radiolaire. C'est voilà. Vraiment très, très... C'est vrai que c'est ça très, très joli. Ça parle beaucoup à Patrick, on dirait, ça. On dirait... Et beaucoup de ces formes, que ce soit les radiolaires ou les autres, mais ça a inspiré les architectes. Ça a inspiré et ça continue d'inspirer. Et par exemple, un radiolaire, à l'exposition universelle de 1900, il y avait la grande porte, je sais pas exactement ce nom-là, et c'est l'architecte a copié un radiolaire, une espèce de radiolaire qui l'a identifié. Mais quand on regarde la boule à la Villette, hein, la grande sphère, regardez la structure. C'est la structure de microfossiles. Et regardez le palais des sports de Munich pour les Jeux Olympiques. C'est une copie de microfossiles. Parce que certaines de ces formes, on les retrouve en mettant des fils de fer avec une forme. Hein, vous prenez un carré, par exemple, vous le trempez dans du l'eau savonneuse, vous le ressortez. Au milieu, la forme des bulles, ça correspond à des formes de fossiles. Tout ça pour dire que ces formes-là, c'est pas le hasard, ça correspond quand même, ça correspond à des lois physiques simples, de tension superficielle moindre, etc., etc. Donc c'est pas quelqu'un qui a imaginé, je vais dessiner comme ci ou je vais dessiner comme ça. Non, c'est des lois physiques simples. J'aimerais qu'on parle dans la dizaine de minutes qui nous reste un peu de l'interprétation de ces relevés de microfossiles, parce que évidemment ça nous renseigne sur l'organisation de la vie à différentes époques géologiques, mais pas uniquement. Ce sont aussi de précieux indices sur un certain nombre d'éléments, notamment sur l'évolution du climat, sur la salinité des eaux, sur leur acidité, sur les explosions radiatives en termes d'évolution et les extinctions massives du vivant. Il y a vraiment, comment est-ce qu'on fait parler ces microfossiles, Sylvie Gardine? Oui, alors je le dis un petit peu tout au début. En fait, on a différentes échelles d'analyse. On les regarde ensemble parce qu'on ne les retrouve jamais vraiment isolés. C'est des organismes quand même, enfin, si on se réfère aux micro-organismes marins, hein, voilà, parce que qui vivent tous ensemble. Hein, c'est pour ça que vous avez les calcaires ou les radiolarites, comme on a dit. Donc, vous regardez à l'échelle de l'assemblage. Donc, comme il est composé, s'il est diversifié, s'il n'est pas diversifié, s'il y a une espèce qui domine sur les autres, etc. Je pourrais en citer. Voilà. Après, vous avez aussi un regard sur l'individu. Vous prenez une espèce, par exemple, et vous regardez voilà, ce qui est l'architecture, sa taille, si la taille s'y modifie, par exemple, ou pas, si sa biominéralisation s'épaissit pas. Voilà, toutes des choses qui peuvent changer en fonction de voilà, quelque chose. Ça peut être, par exemple, la température, ça peut être les pH, ça peut être plein de choses. Et puis, vous avez un zoom carrément sur la microstructure et donc sur l'architecture elle-même qui est très complexe. Et là aussi, vous pouvez encore obtenir d'autres types de renseignements. Donc voilà. Alors, quand on étudie des espèces fossiles mais qu'on retrouve encore vivantes aujourd'hui, c'est plus aisé parce que vous avez l'organisme vivant, vous voyez comme il vit. Si par exemple c'est une espèce qui est très abondante dans les environnements qui sont pollués, qui se trouve très très bien alors que d'autres espèces voilà sont complètement en berne, voilà, vous vous dites bon bah cette espèce c'est un indicateur de pollution. Vous allez regarder dans l'assemblage si par exemple cette espèce à certains moments elle devient plus abondante, elle domine sur des autres, et puis vous regardez voilà si il y a d'autres indices des pollutions dans le passé. Alors c'est pas de la pollution anthropique parce que l'homme est apparu très récemment, mais ça peut être de la pollution due à des volcans, par exemple, volcaniques, exactement. Donc, vous avez toujours les présents qui vous guident un petit peu dans la reconstruction des paléo-environnements. Quand vous dépassez les 66 millions d'années, c'est-à-dire vous allez dans le Mésozoïque, bon, c'est-à-dire avant la dernière grande extinction de masse, Crétacée. Voilà, là, c'est un monde disparu. Bah, c'est ce qui me plaît d'ailleurs, parce que c'est un monde qui n'existe plus et qui est probablement, qui était différent de ce qu'on a aujourd'hui. Les phénomènes, on pouvait avoir les mêmes phénomènes, mais voilà, les durées étaient différentes, les espèces sont différentes. Un monde disparu dans le sens où il ne reste aujourd'hui plus aucune espèce de micro-fossile, c'est-à-dire de phytoplancton, de zooplancton, de phytobinthos qui soit... Du Crétacé, par exemple. Du Crétacé, il n'y en a plus aucun. Non. C'était vraiment... c'était les moments les plus dramatiques pour voilà, les biocalcifiants pélagiques. Ça, c'est clair, que ce soit les foraminifères, que les coccolithophoridés. Peu calcifiés qui tombent et qui font des sédiments. quasiment. Voilà. Pélagique, donc en surface. Exactement. Donc, ce qui n'a pas empêché aux coquelicophoridés et aux foraminifères de rebondir, de redevenir protagonistes dans les mers d'aujourd'hui. Mais d'autres espèces. Mais il y a d'autres espèces, d'autres genres, voilà, d'autres familles. Donc, il y a eu un grand renouvellement. Voilà. Donc, ça, c'est beaucoup plus difficile quand on travaille parce qu'on n'a pas une comparaison directe. Donc, il faut chercher d'autres, ce qu'on appelle proxy, voilà, des choses qui nous indiquent, voilà, il faut jamais, donc, ils parlent beaucoup, hein, les microfossiles, mais ils sont jamais seuls. Hein. Et comme je vous ai dit, ils font partie des sédiments. Donc, un sédiment, c'est aussi voilà, les bio-indicateurs, les microfossiles. Mais vous avez tout un autre panel d'analyses, l'analyse sédimentologique, géochimique, etc., qu'il faut mettre en synergie pour avoir vraiment voilà, les signaux qui sont plausibles, qui concordent, et donc qu'on peut voilà, accepter pour telle ou telle reconstruction. Sachant que voilà, on n'est jamais sûr à 100%, hein, même... Voilà. Donc, comment, Patrick de Wever, comment par exemple on a fait il n'y a pas très très longtemps une émission qui était consacrée aux courants marins, comment justement la distribution, la variété de ces microfossiles peut nous renseigner justement sur l'évolution de la circulation océanique, sur les upwellings, sur les phénomènes de puits thermiques qui peuvent exister, qui peuvent nous expliquer comment se sont structurés aujourd'hui nos océans? Il y a 12 questions dans votre question. Absolument. C'est parti. Oui, c'est vrai. Hein. Je ne sais pas y répondre facilement. Je vais dire. Prenez le temps. On a une bonne dizaine de minutes encore. Non. On va faire simple. Ça a été dit tout à l'heure. Quand on retrouve aujourd'hui un type de fossile dans un certain endroit qui est froid et qu'on arrive à trouver leur cousin avant, on déduit cela. Mais là, je parle d'horizontal. Mais les courants froids, souvent, c'est pas seulement au fond, c'est surtout un problème de verticalité. Un courant froid, c'est surtout un problème de verticalité. Et quand c'est du plancton, il vit en surface, quand il meurt, il va pas sur le continent au cimetière, il tombe. Sauf qu'il a tendance à pas trop retomber parce que l'eau remonte. Donc il a toute chance d'être dissous. Mais il y en a quand même qui arrivent au fond. Alors on dit, mais comment ils ont pu faire pour arriver au fond, etc. Alors on s'aperçoit que peut-être que c'est parce qu'ils ont été mangés. Et alors, manger, ça me rappelle des paroles de la Bible, ça, quand on est malheureux sur Terre, on a un début d'éternité. C'est un peu la même chose. Donc, quand ils sont mangés, en fait, ça, c'est une chance pour nous, pas pour eux, parce qu'ils sont, morts. Mais quand un organisme, nous compris, quand on prend quelque chose, on en extrait la surface qui peut nous nourrir et qui nous apporte de l'énergie. Puis, ce qui ne nous apporte pas d'énergie, on rejette. Hein, ça s'appelle, donc, on rejette des pelotes fécales. En français commun, des petites crottes. Et une petite pelote fécale, c'est constitué de quoi? Ben, de rejets indigestes. Alors, chez nous, par exemple, c'est la cellulose. Ce peut être des argiles, généralement. Il y a toujours un petit peu de matière organique. Et puis, bien sûr, de la matière minérale. Et parmi la matière minérale, il peut y avoir les microsquelettes. Et ça veut dire que les microsquelettes, qui normalement devraient retomber et être dissous, mais ils sont dans une petite crotte. C'est une petite boule, beaucoup plus dense. Donc, ça tombe très vite, un. Et deux, il y a de l'argile. Donc, ils sont protégés de l'eau environnante. Donc, ils ne sont pas dissous. Et donc, ils ont des chances d'arriver au fond. C'est pour ça que, voilà, quand ils sont malheureux de leur vivant, ils peuvent être fossilisés. Ils ont ce que j'appelle un début d'éternité. Et c'est en regardant la disposition de tous ces ensembles-là qu'on arrive à déduire. On a aussi utilisé récemment, dans un certain nombre d'études, ces microfossiles pour estimer l'évolution de l'acidité des océans, parce que, comme ce sont des phénomènes de calcification, calcification, ça ne va pas avec acidité, et a priori, c'est l'un des problèmes que l'on pourrait retrouver aujourd'hui avec l'acidité. Ah, vous n'êtes pas tout à fait d'accord, Sylvie Gardine. Je suis d'accord. C'est pas que je suis pas d'accord, mais ce n'est pas parce que il y a plein de phénomènes. C'est beaucoup plus complexe. Ce n'est pas parce que vous avez du CO2 que vous avez forcément de l'acidification. Aujourd'hui, c'est ce qu'on observe. des reconstructions, des modèles de reconstruction climatique, comme je vous disais dans le Crétacé, montraient que la pression partielle de CO2 était beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Et pourtant, les Crétacés, c'est l'âge d'or des coccolithophoridés. Donc, il y a d'autres processus qui, malgré un pH, on va dire, plus faible, bon, on parle d'échelle des temps différents, hein, bien évidemment, permet la profusion de ces organismes. Ça peut être l'alcalinité, qui permet donc de pouvoir construire encore la biominéralisation malgré tout. Donc, c'est vrai, aujourd'hui, on observe, et il y a des spécialistes mieux que moi qui le font, qu'on a une diminution de pouvoir calcifiant de ces organismes, mais pas que. Il y a aussi les organismes récifaux qui ont ces problèmes. Donc, on voit qu'effectivement, les émissions de CO2 qu'on a injectées dans l'atmosphère, ils ont été absorbés par l'océan et pas seulement en surface, ils vont vraiment en profondeur. Donc, mais ça, c'est tout un autre... qu'est-ce que tu veux dire ? Patrick de Weber. Oui, ce que vient de dire Sylvia, c'est quelque chose qu'il faut surtout pas oublier. La nature, c'est pas un élément chimique ou un élément de pression, c'est un ensemble de choses. Et par exemple, il y a des microfossiles, c'est Beauchamp qui travaille à Marseille. Luc Beaufort. Il avait observé un endroit, il avait regardé ses petits nanos, et il avait remarqué 10 ans après que CO2, plus d'acidité, les coquilles étaient plus minces. Il a dit, ça se voit bien. Et il est retourné encore 10 ans après, et il a retrouvé cette fois que c'était plus épais qu'au début. Parce que, là-dedans, il y a un petit détail qu'on oublie, c'est que la vie, c'est vivant. Et c'est-à-dire que ces petits organismes, ils prennent une baffe. Mais comme ils réagissent, et comme ils ont un taux de renouvellement très élevé, ceux qui arrivent à s'adapter à ça, s'adaptent et réagissent bien. Donc, vous voyez, rien que la vie en elle-même, ils ont pris une baffe. Ils prennent une baffe, mais après ils s'adaptent et ils réussissent à utiliser ça. Bref, ce que disait Sylvia, et c'est capital, la nature, c'est pas un élément chimique. Il faut dire qu'ils ont une stratégie adaptative qui est phénoménale. À savoir ? Celle de s'adapter au milieu dans lequel ils vivent. Ils savent, ils font face, ils s'adaptent. Survivre, c'est s'adapter. Oui, ils font face malgré tout. Donc, on a par exemple, aujourd'hui, des coccolithophores aussi qui font des biominéralisations qui ne sont pas forcément de la calcite. C'est de l'aragonite ou même de la silice. Donc, ils sont en train de s'adapter un petit peu à ce qui est l'évolution aussi du chimisme de l'eau de mer. Donc, alors, on verra. Nous, on n'a pas le recul. C'est-à-dire qu'en évitant la calcification, ils évitent puisque la calcification. Alors, il y en a qui calcifie pas l'espèce la plus abondante. Elle peut ne pas calcifier. La calcification, c'est presque un phénomène facultatif. Donc, ils s'adaptent, ils peuvent ne pas calcifier. Elle produit des écailles organiques. Alors après, on s'interroge pourquoi, comment. Il y a plusieurs hypothèses. Elles sont toutes très intéressantes. Mais donc, il y a une possibilité d'adaptation que je trouve phénoménal. Et ça, on le voit dans leur histoire évolutive. Et avec par l'explosion, exemple. Avec les radiations évolutives post-extinction. Justement, ils en disent beaucoup plus que les gros fossiles. Patrick de Weber me fait peur, il fait les gros yeux. Non, c'est, vous montez avec le stylo, j'ai peur d'être. Il a peur. J'ai dit il qu'est-ce qu'il veut. Un mot pour conclure. Un mot très simple. On vient de dire que survivre, c'est s'adapter. Sylvia vient de le développer. Oui, mais. On a parlé là de micro-organismes, de micro-organismes. Donc, ils ont un taux de renouvellement, une durée de vie qui n'est pas la nôtre. Et donc, tous les organismes s'adaptent, mais il faut de temps en temps aussi leur laisser le temps de s'adapter. Et il y en a qui n'ont pas le temps de s'adapter. Et donc, ceux-là, c'est pas une baffe qu'ils prennent, c'est un coup létal. Vous êtes en train d'évoquer le réchauffement ou les modifications climatiques actuelles. Je vous laisse conclure. Moi, j'ai pas rien dit. Non, c'est à vous de conclure. Moi, je suis là pour vous écouter. Vous êtes en train de parler justement de l'échelle de temps sur laquelle les modifications du climat sont en train de se réaliser en ce moment, qui n'ont plus rien à voir avec les échelles géologiques précédentes. Climat ou autre. Et oui, c'est pas que les échelles géologiques, c'est que nous, humains, Les échelles évolutives. Voilà, il y a une crise de biodiversité. Certains organismes vont y rester. Certains vont s'adapter. Et sans doute que demain, ça sera encore plus riche. Parce qu'on a vu que pour toutes les crises de biodiversité, après, c'était toujours plus riche. Sauf que, il ne faut pas oublier qu'il y en a qui y sont restés. Et dans l'état actuel des choses, ben, les organismes un peu macroscopiques ou macro-macroscopiques, comme nous, ben, peut-être bien qu'on est dans la charrette. Mais c'est pas sûr non plus, hein, faut pas désespérer. Faut pas conclure comme ça quand même. Non mais c'est ce qui est en train de se passer. Il faut réagir. Et on va tous crever. Non. Écoutez. Mais ça c'est sûr. Mais peut-être pas en tant qu'espèce. Tout de suite. Bon, en tout cas, nous irons nourrir tous au paradis. Hein, voilà. Nous irons nourrir ces micro-organismes, merveilleux micro-fossiles. Patrick de Wever, c'est le livre que vous leur consacrez chez Biotope Édition. Si vous voulez jeter un œil à ces micro-organismes végétaux, animaux, quels qu'ils soient, et qui sont effectivement d'une diversité assez surprenante, je vous suggère de jeter un œil à ce livre. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Sylvia Gardine. Merci Patrick. Patrick de Wever, un mot pour vous dire que demain, si vous ne savez pas encore quoi faire, dépêchez-vous, il reste encore quelques places pour venir assister au forum France Culture l'année vue par les savoirs. Nous allons parler tout au long de la journée avec Tiffaine de Roquigny, Adèle Von Rett, Emmanuel Laurentin du nouvel âge de la politique. Pour ce qui nous concerne, ce sera donc de 11h à midi dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Nous interrogerons le rôle que jouent les algorithmes dans la démocratie et dans la démocratie numérique. Sont-ils un péril? Sont-ils au contraire une solution? Nous en parlerons avec Jean-Gabriel Ganassia, Benjamin Bayard et Axel Lemaire. Voilà, c'est gratuit, vous pouvez rentrer gratuitement, mais il faut vous inscrire sur le site maisondelaradio.fr. On vous met le lien sur le fil Twitter tout de suite de l'émission. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Céline Lozen, Éléonore Pérez, Antoine Beauchamp, Eve Etienne, Noémie Néguette-Saint-Vulfranc, Olivier Bétard à la réalisation, Clément Daté à la technique. Dans le prochain épisode de la méthode scientifique, demain à 16h, nous parlerons des ressources halieutiques. On va rester un peu dans l'océan et de leur chute drastique. La surpêche est-elle en train de vider nos océans? Comment faire pour éviter le scénario océan sans poisson en 2050, on essaiera de répondre demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.